Et une petite gueule extra, elle est tendue ta percha, et la tige est vraiment fantastique. Elle fait la tête sous les pieds, et les doigts de pied dans le nez, brusquement au plumage, elle fait le grand écart. Elle sommeille, en brille, la bouffée, la chenille, tout à coup, les jambes à son cou, elle s'enroule, se met en boule, il se brille les genoux. La beau caoutchouc, avec elle qu'on peut faire, oh c'est fou. Elle vous prend les toquiteux, on n'est plus qu'une loge, oh c'est pas lutteux. Elle vous dit que la beau caoutchouc, c'est un long, c'est un drôle de petit mou. On la cherche par-dessus et on la trouve en dessous. La beau caoutchouc. Dans tous les encombrements, elle se vide légèrement, elle compile, elle me sert de sourire. Par contre, dans le métro, elle se complète avec Moro. Je suis toujours certain de trouver un racontin. Comme ta peau, chez là, j'y vais, tu te vas, trois moyens. Toujours, elle revient, elle s'allonge, se prolonge, c'est encore un coup d'un. La beau pour la carte, c'est pas comme tu nous. Et le second, on laisse des traces. Quel drôle de mitraille. Ouais, le footlight. Elle met son match là, mon caoutchouc. Voudrait bien vous faire en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche, elle est debout. La caoutchouc. Je peux bien vous le dire entre nous, et bien là mon caoutchouc, c'est ma pomme, oui c'est comme ça qu'on nomme. La guimauve à côté de moi, c'est un vrai morceau de bois. Quand on parle, c'est enfant mon petit, qu'est-ce que je leur vends. Je te ferai la route, je me tirerai les joues, je bondis comme un whistiti, goguenarde, je te regarde, mais avec mon nombril. La môme caoutchouc, c'est mes quand tu me prends mes deux rototos, mes deux goulotos, ça c'est du boulot. Alors il est tout là, mon caoutchouc, quand il m'attrape par là du cou, ça lui fait les biceps, ça déguise en sa doux. La mon caoutchouc, la mon caoutchouc. Alors, madame est avec son sauveur? Oh, fais pas ce tête-là, Liloc, hein. J'ai pas voulu être méchant tout à l'heure. Fais donc tomber ce mec-là, tu sais même pas qui c'est. Non, une fois c'est marre,